je te le dis, j'étais pas prêt. Mais tout ça c'est pas pire. En 3 mois j'ai eu ma part qui aurait cru que je serais partout. Moi qui pensais partir d'une balle. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle gros. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur du risque. Pourquoi serait pas nous, je t'ai dit pourquoi serait pas nous. Moi et ma mère, une villa au bord de la mer. La terre est une salope, je t'ai dit la terre est une salope. Je te le dis, j'étais pas prêt. Mais tout ça c'est pas pire. En 3 mois j'ai eu ma part qui aurait cru que je serais partout. Moi qui pensais partir d'une balle. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle gros. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. Pourquoi serait pas nous, je t'ai dit pourquoi serait pas nous. Moi et ma mère, une villa au bord de la mer. Un terre une salope, je t'ai dit un terre une salope. Je t'ai dit j'étais pas prêt, mais tout ça c'est pas pire. En 3 mois j'ai eu ma part qui aurait écrit que j'étais partout. Moi qui pensais partir d'une balle, putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle gros. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. Pourquoi serait pas nous, je t'ai dit pourquoi serait pas nous. Moi et maman, une villa au bord de la mer. Un terre une salope, je t'ai dit un terre une salope. C'est pas des blagues, j'étais pas prêt comme la première fois que je suis tombé. Mino, j'ai quitté la tribu et dans tout Paris, je me trimballe. J'en ai connu des tribunaux, ta porte est louvée avec un trombone, c'est pas en cagne, t'es bien tombé. Bon, pas ton tort, ça va te crosser, ça va trop de casse, tu fais le grossis. C'est vers chez moi qu'il y a des gros sacs, la banane ça mitraille sec, ta vie bascule en une seconde. La cité laisse des séquelles, des millions de vues en une séquence. La vraie vie, c'est mon secret, ne pas mentir, gros, c'est sacré. Je te le dis, j'étais pas prêt, mais tout ça c'est pas pire. En 3 mois j'ai eu ma part qui aurait dit que je serais partout. Moi qui pensais partir d'une balle. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle gros. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. Pourquoi serait pas nous, je t'ai dit pourquoi serait pas nous. Moi et ma mère, une villa au bord de la mer. Un terre, une salope, je t'ai dit un terre, une salope. Je te le dis, j'étais pas prêt, mais tout ça c'est pas pire. En 3 mois j'ai eu ma part qui aurait dit que je serais partout. Moi qui pensais partir d'une balle. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle gros. Putain l'histoire qu'est-ce qu'elle est belle. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur rue du risque. Pourquoi serait pas nous, j'ai dit pourquoi serait pas nous. Moi et maman, une ville au bord de la mer. Un terre, une salope, j't'ai dit un terre, une salope. Je te dis j'étais pas prêt, moi toute ma vie je vendais de la pure. Et mon grand tu faisais ma paire. Mais des rôles n'étaient pas prêts, mais n'a jamais lâché l'affaire. Putain ce petit ça en a pas je gros. Ah ouais ma gueule, la squale. Tu aurais cru qu'aurais dit. Voilà. À bientôt la vie.